السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc le sixième cours du résumé explicatif du livre de l'unicité de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et Cheikh l'Islam Mohamed Al-Wahhab رحمه الله, il dit باب الخوف من الشرك, باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. Donc l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohamed ibn al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit chapitre craindre l'association à Allah. Et la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate Nisa, les versets 48 et 116. Et l'ami proche d'Allah, Ibrahim, Abraham, alayhi salam, a dit « Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Sourate Ibrahim, verset 35. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il explique ce passage en disant « Munasabatu al-babi li kitab al-tawhid, anna al-musannif rahimahullah » لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. شيخ الفوزان حفظه الله تعالى il dit en expliquant ce premier passage le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité, le chapitre qui est باب الخوف من الشرك, chapitre de la crainte de l'association, de craindre l'association Allah Azza wa Jal. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme il a mentionné l'unicité et son mérite et sa réalisation, sa concrétisation, en référence au chapitre qui ont précédé, il convenait qu'il mentionne la crainte de son contraire, qui est l'association, le shirk, le polythéisme, afin que le croyant soit sur ses gardes quant à l'association et la craigne pour sa propre personne. Puis comme il fait son habitude, Cheikh Al-Fawzan explique quelques termes qui ont été cités ici. Al-Khawf, توقع مكروه وهو ضد الأمن. الخوف, la crainte, c'est s'attendre à ce qui est détesté et c'est le contraire de la sécurité. الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله. الشرك, l'association, c'est vouer quelque chose de l'ordre de l'adoration à autre qu'Allah. C'est une définition à retenir en arabe. لا يغفر أن يشرك به أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره. Il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il ne pardonne pas à un serviteur qui le rencontre, lui ayant associé quoi que ce soit. Et on va voir que le rencontre, c'est-à-dire qu'il soit mort dans cette situation-là. Et il pardonne ce qui est en dehors de cela, c'est-à-dire qu'il pardonne ce qui est en dehors de l'association parmi les péchés, ce qui n'arrive pas au degré d'association. لِمَنْ يَشَاءُ أي لِمَنْ يَشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حَسَبَ فَضْلِهِ وَحِكْمَتِهِ. لِمَنْ يَشَاءُ, à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à qui il veut le pardon, ou pour qui il veut le pardon. Pour lui, parmi ses serviteurs, en fonction de sa bonté, subhanahu wa ta'ala, et de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. الخليل الذي بلغ أعلى درجات المحبة والمراد به إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. الخليل, l'ami proche, c'est celui qui a atteint le plus haut degré d'amour et celui qui est entendu ici, ce qui est voulu ici, c'est Ibrahim, Abraham عليه السلام, qu'Allah a pris comme ami proche. Si on trouve un kitab Fath al-Majid dans le maktaba, j'ai besoin Fath al-Majid sur le kitab. وجنوبني وبنية اجعلني وإياهم في جانب وحيز بعيد عن ذلك. وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام. Et écarte-moi ainsi que mes enfants, fais qu'eux, c'est-à-dire mes enfants, ainsi que moi, soyons d'un côté, qu'ils soient loin de cela, loin de l'association. الأصنام جمع صنم, وهو, c'est une définition de صنم, هو ما كان منحوتا على صورة البشر ou ala surati ayy hayawan. Al-aslan, les idoles, c'est le pluriel de sanam en arabe, et c'est ce qui est façonné, makana manhoutan, ce qui est façonné à l'image d'un être humain ou à l'image d'un animal quel qu'il soit. Maintenant, on a le sens général, le ma'na al-ijmali lil ayati al-oula. Le sens général du premier verset. De quelle sourate? Sourate Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il dit anna Allah subhanahu yukhbiru khabaran mu'akkadan annahu la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa mushrikun bih liyuhadhdhirana min ash-shirk. وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أن يغفر له تفضلا وإحسانا لئلا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. Le sens général du premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala informe d'une information sur laquelle il y a une insistance, qu'il ne pardonne pas à un serviteur qui le rencontre alors qu'il lui associe quoi que ce soit. Et ce afin qu'il, subhanahu wa ta'ala, nous mette en garde contre l'association. Et qu'il pardonne ce qui est en dehors de l'association parmi les péchés. À qui il veut pardonner? Par bonté de sa part, subhanahu wa ta'ala, et bienfaisance de sa part, subhanahu wa ta'ala, afin que nous ne nous désespérions pas de la miséricorde d'Allah. Maintenant, on a le sens général du second verset. Al-ma'na al-ijmali lil-aya al-thaniya. J'ai bien fait de vérifier. Je voulais vous rapporter une faïda, mais j'étais plus sûr du nom à la Koulihal. J'ai trouvé. On m'en rapportera après, Inch'Allah. Donc on est au deuxième verset. Hein. Le sens général, ma'na al-ijmali lil-aya al-thaniya. Anna Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jal an yaj'alahu wa wabanih fi janibin ba'idin an ibadati al-asnam wa an yuba'ida baynahu wa baynaha. لأن الفتنة بها عظيمة ولا يأمن الوقوع فيها. Le sens général du second verset. De quel verset? De surat Ibrahim. قال على خال كم يبي شخص محمد الله رحمه الله وقال الخليل عليه السلام. Et puis il cite le verset, il dit وجنوبني وبنيني أن نعبد الأصنام. Il dit le sens général du second verset. Cheikh al-Fawzan حفظه الله تعالى. Ibrahim عليه الصلاة والسلام invoque son Seigneur qu'il fasse que lui et ses enfants soient d'un côté loin de l'adoration des idoles, et qu'il, subhanahu wa ta'ala, le tienne à distance de l'association, car c'est une épreuve immense et il n'est pas à l'abri quant à elle. Alors pourquoi j'ai demandé au frère de m'amener Fath al-Majid, Sharh Kitab Tawhid? Parce qu'il y a une faïda que le Mashiach cite souvent, et il cite une parole de quelqu'un qui s'appelle Ibrahim al-Taymi. Ibrahim al-Taymi, il dit, par rapport à ça, il dit, et c'est rapporté par Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, il dit Man ya'manu al-bala ba'da Ibrahim. Qui est à l'abri après Ibrahim alayhi salam? Ibrahim alayhi salam, il demande Allah, imam al-hunafa, comme le Fardana sallam, le guide des hunafa. Et il demande Allah subhanahu wa ta'ala Wajnubani wa baniya an na'bud al-asnam. Écarte-moi, éloigne-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Imam al-hunafa, il demande ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim al-Taymi, il a dit ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. Et qui est à l'abri après Ibrahim? مناسبة الآيتين للباب أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن من مات عليه لا يغفر له وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه والآية الثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودع الله أن يعاقب أن يعافيه عفوا أن يعافيه منه ف فما الظن بغيره فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك. Le rapport entre les deux versets de Sourate Nisa et Sourate Ibrahim et le chapitre qui est Babu al-Khawfi min al-Shirk, le chapitre de la crainte de l'association. Le premier verset indique que l'association est le péché le plus grave, car celui qui meurt ayant commis l'association, l'a'adhu billah, n'est pas pardonné, et cela rend obligatoire, cela implique d'avoir extrêmement peur de ce péché dont elle est la teneur. Et le deuxième verset indique qu'Ibrahim a eu peur de l'association quant à sa propre personne, alayhi salatu salam. Et il a invoqué Allah pour qu'il l'en préserve. Qu'en est-il alors d'autrui, cher Al-Fawzan, il dit. Ça rejoint la parole d'Ibrahim al-Taymi. Les deux versets indiquent donc l'obligation d'éprouver de la crainte quant à l'association. Ma yustafadu min al-ayatayn. Ce que l'on tire comme bénéfice des deux versets. أولا أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه لمن لم يتب منه. Le premier bénéfice qu'on tire de ces deux versets est bien que l'association est le plus grave des péchés, car Allah le Très-Haut, alayka salatullah, car Allah le Très-Haut a informé qu'il ne pardonne pas à celui qui ne s'en repent pas. Wal'adhu billah. Et de là, on voit la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, qu'il a fait qu'on fasse partie des gens du tawhid, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous fassions partie des gens qui concrétisent le tawhid, et qui concrétisent le tawhid d'une manière complète, comme on l'a vu dans les cours précédents. Deuxième point, al-fa'idatu thaniya, anna ma'ada al-shirk min al-dunub, idha lam yatub minh, dakhilun tahta al-mashi'a, insha'Allah ghafara. Eh bien, le deuxième bénéfice, c'est qu'il est en dehors de l'association comme péché. S'il ne s'en repent pas, il entre sous la volonté d'Allah. D'accord ? Si Allah veut, il lui pardonne de se repentir. Et si Allah veut, il le châtie en raison de cela. Il y a en cela la preuve du danger de l'association. On avait déjà vu ça dans. On avait fait un PDF sur l'autre site, d'ailleurs, pour les frères qui n'étaient pas là, les sœurs qui n'étaient pas là. On avait parlé de la position des gens de la Sunna al-Jama'a, des gens de la Sunna du consensus, les salafis, par rapport à celui qui meurt en ayant commis des grands péchés. Murtakib al-Kabira min ahl iman. On avait dit que la aqidah correcte des gens de la Sunna, c'était entre la aqidah des Khawarij et la aqidah de. On avait cité aussi un autre groupe. On avait cité le Mu'tazila. Vous vous souvenez de ça, hein? Qui disent qu'il est fi manzilatin bayna al-manzilatayn. Vous vous souvenez de ça? On avait dit que nous, Ahl-Sunnah, on dit que c'est ce qu'on appelle un fasiq milli. C'est-à-dire qu'il est mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. C'est-à-dire qu'il est croyant, il garde sa foi, s'il a commis un grand péché, qui n'est pas du degré de l'association, etc. D'accord. Évidemment, on avait dit, vous rappelez, que s'il ne croit pas que c'est licite, etc. On a rappelé ça, qu'il dit pas que ce péché, ou qu'il ne croit pas que ce péché est quoi, est licite. Et bien, à ce moment-là, il est toujours croyant, mais il est fasiq en raison de son grand péché. Et donc, s'il meurt sans s'en repentir, il est sous la volonté d'Allah, tahta mashi'atillah azza wa jal, comme il a dit Cheikh Al-Fawzan ici. Donc je répète cette phrase ici parce que c'est important dans notre croyance. Il dit ce qui est en dehors de l'association comme péché, ce qui est en dessous de l'association comme péché, s'il ne s'en repent pas, il entre sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne sans repentir, et si Allah veut, il le châtie en raison de cela. Dans les ulama, ils disent insha'a ghafara lahu rahmatan minhu wa insha'a 'adzabahu adlan minhu. C'est-à-dire que si Allah veut, subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne par miséricorde de sa part. Et s'il veut, il le châtie par justice de sa part. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des phrases très importantes qui reviennent beaucoup dans les livres et les paroles des mashiikh concernant la croyance des gens de la sunna al-jama'a. Essayez de les retenir. Elle dit donc, le shaykh termine ce deuxième bénéfice en disant qu'il y a en cela la preuve du danger de l'association. Al-fa'idatu thalitha, al-khawfu min al-shirki fa'inna Ibrahim alayhi salam, wa huwa imam al-hunafa, wa alladhi kassara al-aslam bi yadihi. خاف على نفسه فكيف بمن دونه. Ça, ça revient encore à la parole d'Ibrahim al-Taymi, qui a dit « Man ya'manul bala ba'da Ibrahim ». Il a dit ici, cher Al-Khouzan, le troisième bénéfice qu'on tire de cela, c'est, de ces deux versets, la crainte de l'association. Et vous voyez le rapport justement entre ces versets et le chapitre. « Bab al-Khouf min al-Shirk ». La crainte de l'association, car Ibrahim, alayhi salam, alors qu'il est l'imam, le guide des Hunafa, et celui qui a détruit les idoles de ses propres mains, a craint l'association quant à sa propre personne. Qu'en est-il alors pour autre que lui? Quatrième point, la faïda al-rabi'a, mashru'at al-du'a li daf' al-bala, wa annahu la ghina lil-insani 'an rabbih. Le caractère légiféré de la vocation pour repousser l'affliction. Et l'être humain ne peut pas se passer de son Seigneur. الفائده الخامسه مشروعيه دعاء الانسان لنفسه ولذريته. Le caractère légiféré de l'invocation de la personne qui invoque pour elle-même ainsi que pour sa progéniture, pour ses enfants. Sixième, الرد الفائده السادسه الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الامه. La réfutation des ignorants qui disent l'association ne peut pas avoir lieu dans cette communauté. Et donc ils se sont sentis à l'abri de l'association et donc ils sont tombés. D'ailleurs, quand j'avais une mektaba à Bruxelles, il y a deux personnes qui sont rentrées, qui étaient, d'après leur discours et leur apparence et leur discours et leur source, etc., c'est des Ikhwan Muslimoun, une quarantaine, cinquantaine d'années. Et ils me disaient, mais vous, toujours, tawhid, tawhid, tawhid. Les gens, ils croient, les musulmans ne croient pas en la Trinité, un peu pour dire, tawhid, c'est khlas, les musulmans, ils connaissent le tawhid. On n'a pas besoin de toujours tawhid, tawhid, comme si c'était connu de tout le monde et qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, etc. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe dans nos pays, les tombes qui sont adorées, qu'est-ce que tu fais de ça? Évidemment, ils n'ont rien dit, ils sont faits tout petits, ils sont sortis vite fait. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a les seuls qui donnent l'importance qu'ils se doivent au tawhid, c'est les gens de la sunna, as-salafiyoun, ça c'est une vérité. Regardez les ulama comme toujours, al-tawhid, al-tawhid, al-tawhid, la mise en garde contre le shirk, que ce soit en détail, en général ou en détail. Regardez le nombre de livres que les ulama enseignent, que le nombre de livres que les ulama consacrent au tawhid et à l'enseignement du tawhid et de son contraire pour que les gens n'y tombent pas. Donc faut faire attention à ce genre de discours. Donc Cheikh, quand il dit ça, moi j'ai raconté cette histoire pourquoi? Pour vous dire, pour illustrer que c'est des choses qui arrivent. L'association ne peut pas avoir lieu dans cette communauté. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'association, qu'il n'y a pas de shirk, et qu'on n'a pas besoin toujours de parler de tawhid comme ça, etc., etc. Comme si c'était quelque chose d'acquis de tout le monde. La suite, قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات هو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Le temps qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et dans le hadith, ce que je crains le plus pour vous est l'association mineure. Il, sallallahu alayhi wa sallam, fut alors questionné au sujet de l'association mineure, et il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, l'ostentation. Et le hadith est rapporté par Ahmed dans son Musnad, al-Tabarani de Mu'jam al-Kabir, Ibn Abi Dunya al-Bihaqi, comme on va voir dans un instant, inshallah. L'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Il dit, وفي الحديث أي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي. Et dans le hadith, c'est-à-dire dans le hadith qu'ont rapporté l'imam Ahmed et al-Tabarani et ibn Abi الدنيا et al-Bayhaqi. أخوف ما أخاف عليكم أي أشد خوفا أخافه عليكم. أخوف ما أخاف عليكم, ce que je crains le plus pour vous, c'est-à-dire la crainte la plus grande que j'ai pour vous. الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. L'ostentation, ria, faire voir l'acte d'adoration en ayant pour intention qu'il soit vu par les gens et que donc il fasse son éloge en raison de cet acte d'adoration. On avait rapporté que la différence entre ru'ya wa sum'a, c'était que l'un, il était lié à la vue, à ru'ya si vous voulez, et c'est l'ostentation ria, que d'être aimé, d'être vu par les gens, et l'autre qui est lié à l'ouïe, au fait d'entendre, et donc qu'on aime qu'on dise du bien, que la personne, elle aime qu'on dise du bien d'elle, par rapport à l'acte d'adoration, c'est sum'a, par rapport à As-sam'a, par rapport à ce qui est dit sur la personne. Mais tous les deux sont traduits en français par l'ostentation. Donc l'ostentation, le cheikh dit, إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها والعياذ بالله من ذلك. L'ostentation, faire voir l'acte d'adoration en ayant pour intention qu'il soit vu par les gens et que donc il fasse son éloge en raison de cet acte d'adoration. المعنى الإجمالي للحديث. Le sens général du hadith. لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته ونصحه لهم بحيث لم يترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة وهو إن كان شركا أصغرا فخطره عظيم لأنه يحبط العمل الذي قارنه ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف أو يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف. Le sens général du hadith. Le hadith qu'on a rapporté ici, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. En raison de la perfection de la compassion et de la miséricorde et du conseil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, car il ne leur a pas laissé un bien sans qu'il ne leur indique ce bien, ni un mal sans qu'il ne les mette en garde contre ce mal. Et parmi les maux contre lesquels il les a mis en garde, c'est d'apparaître avec une apparence d'adoration, en ayant pour intention d'obtenir l'éloge des gens, car c'est une association dans l'adoration. Et même si c'est une association mineure, son danger est immense, car elle annule l'acte d'adoration auquel elle est liée. Et comme les âmes sont enclines à aimer le leadership et le statut élevé dans les cœurs des gens, à l'exception en fait de ceux qu'Allah a préservés, cela est alors ce qui est le plus à craindre pour les vertus, en raison de la force de ce qui y pousse. Contrairement à ce qui pousse à l'association majeure, qui est soit inexistant dans le cœur des croyants, dont la croyance est complète, soit faible. Vous avez compris pourquoi le prophète me l'a dit? Il a dit, ce que je crains le plus pour vous maintenant. Parce que ce qui pousse est le plus fort. Le rapport entre le hadith et le chapitre. مناسبه الحديث للباب ان فيه الخوف من الشرك الاصغر كما ان في الايتين قبله الخوف من الشرك الاكبر والباب شامل للنوعين. Regardez les ulama comme ils comprennent les livres des ulama. Il dit le cheikh, le rapport entre le hadith et le chapitre. Il y a dans le hadith la crainte de l'association mineure. On a dit que le chapitre, c'est le chapitre de la crainte de l'association. Comme il y avait dans les deux versets qui l'ont précédé, la crainte de l'association majeure. Dans le hadith, la crainte de l'association mineure, comme dans les deux versets de Sourate Nisa et Sourate Ibrahim, il y avait la crainte de l'association majeure. Et le chapitre englobe les deux genres d'association. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith. ما يستفاد من الحديث شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر وذلك من وجهين الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا الثاني أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, le premier bénéfice, l'immense crainte de tomber dans l'association mineure, et ce sous deux angles. Premier, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a craint d'une crainte immense que cela n'arrive. Deuxième, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a craint que cela n'arrive aux vertueux complets, que cela arrive aux vertueux complets, et a fortiori, c'est-à-dire en français, à plus forte raison, ceux qui sont de moindre niveau qu'eux. Deuxième bénéfice, شدته شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم. La grande compassion du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم envers sa communauté et son ardeur à les guider et à les conseiller, et ça rejoint ce qu'on lisait en classe avant qu'on vienne au cours ici de Kitab al-I'tisam Sahih al-Bukhari expliqué par Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. Troisième point, أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. فالأكبر هو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر والفرق بينهما بيفا رابورت الفوارق. Donc la troisième bénéfice, c'est que l'association se divise en deux catégories. L'association majeure et l'association mineure. L'association majeure, c'est de mettre autre qu'Allah au même niveau qu'Allah dans ce qui fait partie des spécificités d'Allah. C'est souvent comme ça que les ulama ils expliquent le shirk. Ils disent, yani taswiyatu ghayrillah ma'allah fi ma huwa min khasa'isillah. Et si je me souviens bien, c'est la définition que Cheikh Ibn Baz il a donnée dans Ad-Durus al-Muhimma. Rahmatullah alayh. L'association majeure, c'est de mettre autre qu'Allah, au même niveau qu'Allah, dans ce qui fait partie des spécificités d'Allah. Et l'association mineure, c'est ce qui est mentionné dans les textes comme étant de l'association, mais n'arrive pas au degré de l'association majeure. Et les différences entre les deux sont les suivantes. أولاً أن الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر يحبط العمل الذي قارنه. Première des différences, c'est que l'association majeure elle annule toutes les actions, alors que l'association mineure annule l'action à laquelle elle est liée. ثانياً أن الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يجب الخلود في النار. L'association majeure, celui qui la commet, est voué à l'enfer éternel. Alors que l'association mineure n'a pas pour conséquence le fait de rester éternellement en enfer. Faïda, les ulama disent que le khuloud, khuloudan. Khuloud, c'est deux types. Khuloudun mu'abbad wa khuloudun mu'akkat. Un khuloud éternel et un khuloud provisoire, temporaire. Cheikh Ibn Baz, il explique bien ça dans son explication de un ta'liq sur l'wasitiyya. Troisième et dernier, troisième différence, et dernière, أن الأكبر, parmi celles que je cite Cheikh Al-Fawzan ici, أن الأكبر ينقل عن الملة والأصغر لا ينقل عن الملة. Troisième différence, c'est que l'association majeure fait sortir de l'islam, alors que l'association mineure ne fait pas sortir de l'islam. Dernier point pour aujourd'hui, inshallah. Ou avant dernier point, on va dire, c'est encore le hadith de Jabir dans Sahih Muslim après. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt invoquant un égal à Allah entrera en enfer. Hadith, il est rapporté dans le Bukhari et Muslim aussi. Kitab al-Iman d'ailleurs dans 92 de Sahih Muslim. Explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. يدعو الدعاء هنا هو السؤال يقال دعاه إذا سأله أو استغاث به. يدعو invoquant, l'invocation ici c'est la demande. On dit دعاه إذا سأله, il l'a invoqué s'il lui a demandé ou imploré son secours. ندا, الند المثل والشبيه. ندا un égal, المثل والشبيه, c'est-à-dire le semblable et le pareil. المعنى الإجمالي للحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان هذا الند أو غيره أو استمر على ذلك إلى الممات إن لم يتب منه قبل الممات فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك واتخاذ الند على نوعين. Le sens général du hadith, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe que celui qui attribue à Allah un pareil et un semblable dans l'adoration, qu'il invoque et à qui il demande et de qui il implore le secours, que ce nid, cet égal, soit un prophète ou autre, et continue cela, persévère sur cela jusqu'à ce qu'il meure, c'est-à-dire qu'il ne s'en repentit pas avant de mourir, sa destination est alors en enfer car c'est un associateur, un polythéiste. Et attribuer un égal est de deux types. الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها فهذا الشرك أكبر صاحبه مخلد في النار. Le premier type, c'est d'attribuer un associé à Allah dans les genres d'adoration ou certaines adorations. Cela est une association majeure et celui qui commet cela est en enfer éternellement. Deuxième type, الثاني ما كان من الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولو الله وأنت ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالة وكيسير الرياء وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها. Deuxième point, ce qui fait partie, deuxième type, ce qui fait partie de l'association mineure, comme la parole de l'homme qui de dire ما شاء الله وشئت, ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Et لولا الله وأنت, si ce n'était Allah et toi. Et autres parmi les paroles dans lesquelles il y a la conjonction de coordination « et » avec le nom d'Allah. Et comme le peu d'ostentation, on avait parlé de Yassir Riya comparé à Riya des Munafiqin. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Nawaqil Islam, on ne va pas reparler de tout ça, c'est écrit en PDF et dans les audios, retournez à ça, Inch'Allah. Et cela ne rend pas obligatoire qu'il soit éternellement en enfer, et ce même s'il y entre. Le rapport entre le hadith et le chapitre. مناسبة الحديث للباب أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره. Eh bien, le rapport entre le hadith et le chapitre, qui est le chapitre de la crainte de l'association, il y a dans ce hadith le fait de craindre l'association en mettant en évidence la conséquence pour l'associateur, le polythéiste, et sa destination. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, ما يستفاد من الحديث التخويف من الشرك والحث على التوبة منه قبل الموت. Premier bénéfice, c'est inspirer la crainte quant à l'association et inciter à s'en repentir avant la mort. Deuxième point, أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا حيا أو ميتا أو حجرا أو شجرا فقد جعل ندا لله أو ميتا أو حجرا أو شجرا فقد جعل ندا لله عز وجل. Eh bien, quiconque invoque avec Allah un prophète ou un croyant pieux, ce qu'on appelle un wali. Pourquoi j'ai traduit par croyant pieux? Un pieux, parce que par la définition de qui? Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il a dit كل مؤمن تقي. Il a dit le wali هو كل مؤمن تقي. Il a utilisé comme preuve la verset du Coran qui dit ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين كانوا آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc le wali, que ce soit un wali ou un croyant pieux ou un prophète, qu'il soit vivant ou mort, ou une pierre ou un arbre, aura attribué à Allah un égal. Troisième point, أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة. L'association n'est pardonnée qu'au moyen du repentir. Dernier hadith pour aujourd'hui et la fin de ce chapitre, inshallah. Wa li muslimin an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man laqiya Allah wa huwa la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah wa man la laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et Muslim rapporte d'après Jabir qu'Allah l'agré, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque rencontre Allah sans lui avoir associé quoi que ce soit, entrera au paradis, et quiconque rencontre Allah en lui ayant associé quoi que ce soit, entrera en enfer. Il est rapporté aussi d'ailleurs par Ahmed, Sahih Muslim, Kitab Iman 93, et Ahmed, volume 3, page 345. On a l'explication maintenant du Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit, Jabir هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي صحابي جليل مكثير بن الصحابي مات بالمدينة بعد السبعين وله 94 سنة. جابر c'est جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي de بنو سلمة illustre compagnon qui a rapporté beaucoup d'ahadith, ce qu'on appelle un mukthir, fils de compagnon, décédé à Médine après l'an 70 à l'âge de 94 ans. Man laqiya Allah, man mata. Man laqiya Allah, quiconque rencontre Allah, c'est-à-dire quiconque meurt. La yushriku bih, lam yattakhid ma'hu sharikan fil ilahiyyati wa la fil rububiyya. La yushriku bih, sans lui associer, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris d'associé avec lui dans la divinité, ni dans la seigneurie, shay'an ay shirkan qalilan aw kathiran. Shay'an, quoi que ce soit, c'est-à-dire peu d'associations ou beaucoup. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général du hadith, anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yukhbiruna anna man mata 'ala at-tawhid fa dukhuluhu al-jannata maqtu'un bih. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alayha fa huwa tahta mashi'atillah. Fa in 'afa Allahu 'anhu dakhalaha awwalan. وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة وأن من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار ويخلد في النار وإن كان شركا أصغر دخل النار إن لم يكن معه حسنات راجحة لكن لا يخلد فيها. Le sens général du hadith de Jabir dans Sahih Muslim, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui meurt pratiquant l'unicité, son entrée au paradis est garantie. Et s'il fait partie des gens qui ont commis des péchés majeurs et qu'il meurt en persévérant là-dessus, il est alors sous la volonté d'Allah. Et donc si Allah lui pardonne, il entre au paradis directement, ou sinon il est châtié en enfer, puis en est sorti et entre au paradis en raison du tawhid qui est avec lui, hein, qu'il a pratiqué. Celui qui meurt en étant sur l'association majeure n'entre pas au paradis et n'est pas touché par la miséricorde d'Allah et est en enfer éternellement. Et si c'est une association mineure, il entre en enfer s'il n'a pas de bonnes actions en suffisance pour être plus lourd dans la balance, mais il n'est pas voué à rester en enfer éternellement. Parce qu'on avait vu que c'était une des différences entre l'association mineure et l'association majeure. Le rapport entre le hadith et le chapitre, munasabatu al-hadith lil-bab, anna fi at-taghlidha fi an-nahy 'an ash-shirk mimma yujibu shiddat al-khawf minhu. Le rapport entre le hadith et le chapitre de la peur, de la crainte de l'association, il y a dans le hadith la sévérité dans l'interdiction de l'association qui implique d'en avoir extrêmement peur. Ce que l'on tire comme bénéfice pour terminer aujourd'hui, inshallah, ma yustafadu min al-hadith, awalan wujub al-khawf min al-shirk, li'anna an-najat min an-nar mashrutatun bis-salamati min al-shirk. L'obligation de craindre l'association car le fait d'être sauvé de l'enfer est conditionné par le fait d'être exempt d'association. ثانياً أنه ليس العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بالسلامة من الشرك. Ce qui est pris en considération n'est pas le nombre d'actions, mais ce qui est uniquement pris en considération, c'est d'être exempt de l'association. D'association. Troisième bénéfice, بيان معنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. L'explication du sens de la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, et c'est délaisser l'association et vouer une adoration exclusive à Allah. 4. قرب الجنة والنار من العبد وأنه ليس بينه وبينهما إلا الموت. La proximité du paradis et de l'enfer quant au serviteur, et il n'y a entre lui et le paradis et l'enfer que la mort. 5. فضيلة من سلم من الشرك. Cinquième et dernier bénéfice, le mérite de celui qui est exempt d'association. Et avec cela, on a fini pour aujourd'hui. On a fini ce chapitre. Le chapitre suivant, c'est Babu du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.